Pendant les années où son mari ne lui avait témoigné que de l'indifférence, la jeune femme avait reporté sur l'amitié le besoin de tendresse qui était refoulé dans son cœur. Elle s'était créée, en dehors de son cercle officiel, un cercle intime qu'elle se plaisait à retrouver au Petit Trianon. Dans cette délicieuse résidence, elle échappait aux rigoureux détails d'une étiquette que lui rendait si odieuse l'éducation patriarcale qu'elle avait reçue à Vienne. Rousseau avait mis à la mode le goût des bergeries. Au milieu des élégantes rusticités d'une nature artificielle, la reine de France est ravie d'échanger le sceptre contre la houlette. Marie-Antoinette a fui le tracas des affaires. Elle a cherché dans une paisible retraite les joies si pures de l'amitié. Elle a cru trouver là, non des courtisans, mais des amis. Et c'est par ce volontaire dépouillement de sa grandeur, c'est par ce besoin d'une douce intimité et d'une affection désintéressée, qu'elle se voit entraînée dans le conflit des ambitions de cour. L'amitié si tendre qui unit Marie-Antoinette à Madame de Polignac devient un instrument de domination pour la coterie qui entoure la favorite et que la reine rencontre journellement chez son amie. Sous cette influence, Marie-Antoinette nomme les ministres. Si certains choix sont bons, tels que ceux de M. de Ségur et de M. de Castries, que dire des motifs qui décident la reine à faire désigner M. d'Adhémar pour l'ambassade de Londres? Il ennuie la reine, c'est là son titre à ce brillant éloignement de Versailles. On arrache à Marie-Antoinette, malgré ses répugnances, la nomination de Calonne. Et bien qu'elle n'encourage pas les dilapidations de ce ministre, bien qu'elle le fasse même renvoyer, on la rend responsable de l'état où il a mis les finances. Madame Déficit, tel est le nom cruel dont la baptisent les Halles. Un jour viendra où Marie-Antoinette dira que si les reines s'ennuient dans leur intérieur, elles se compromettent chez les autres. C'est encore à une amitié qu'elle cède quand, à la prière de son précepteur, l'abbé de Vermont, elle fait donner pour successeur à Calonne l'inepte Brienne. C'est en 1787, date funeste pour le repos de Marie-Antoinette. Par la faiblesse du roi, par le peu de confiance que le nouveau ministre inspire à Louis XVI, la reine est obligée d'intervenir directement dans la conduite des affaires. Jusque-là, son influence réelle s'est bornée au choix plus ou moins heureux de quelques personnages officiels. Maintenant, c'est à la direction même de la politique que la condamne son dévouement d'épouse et aussi sa prévoyance de mère. Elle s'affligeait souvent de sa position nouvelle et la regardait comme un malheur qu'elle n'avait pu éviter, dit Madame Campan. Un jour que je l'aidais à serrer des mémoires et des rapports que des ministres l'avaient chargé de remettre au roi, « Ah !» dit-elle en soupirant, « il n'y a plus de bonheur pour moi depuis qu'ils m'ont faite intrigante. » Je me récriais sur ce mot. « Oui, reprit la reine, c'est bien le mot propre. Toute femme qui se mêle d'affaires au-dessus de ses connaissances et hors des bornes de son devoir n'est qu'une intrigante. Vous vous souviendrez au moins que je ne me gâte pas et que c'est avec regret que je me donne moi-même un pareil titre. Les reines de France ne sont heureuses qu'en ne se mêlant de rien et en conservant un crédit suffisant pour faire la fortune de leurs amis et le sort de quelques serviteurs zélés. Hélas, la reine ne se rendait pas compte que c'était justement son désir de faire la fortune de ses amis qui l'avait fatalement entraînée aux affaires, et que les faveurs inouïes, dont elle les avait comblées, avaient contribué à son impopularité. Mais poursuivons le récit de Madame Campan. « Savez-vous, ajouta cette excellente princesse, que sa conduite plaçait malgré elle, en contradiction avec ses principes, savez-vous ce qui m'est arrivé dernièrement? Depuis que je vais à des comités particuliers chez le roi, j'ai entendu, pendant que je traversais l'œil de bœuf, un des musiciens de la chapelle dire assez haut pour que je n'en aie pas perdu une seule parole, une reine qui fait son devoir reste dans ses appartements à faire du filet. J'ai dit en moi-même, malheureux, tu as raison, mais tu ne connais pas ma position. Je cède à la nécessité et à ma mauvaise destinée. La voilà donc cette pauvre reine en proie à la fatalité qui pèse sur elle. Avec son inexpérience, comment pourrait-elle guider la royauté dans la crise la plus effroyable que la France ait traversée? Est-ce une main novice qui peut saisir le gouvernail à l'heure où la tempête va faire sombrer le navire? Marie-Antoinette a les vertus morales, le courage héroïque, la générosité, le dévouement, la grandeur enfin. Près d'un roi qui aurait eu un caractère plus ferme que Louis XVI, elle n'aurait eu à déployer que ses qualités qui se résument en celle-ci, la magnanimité. Mais obligée de vouloir pour le roi, de décider pour lui, la reine n'a pas été préparée à ce nouveau rôle. Et ceux qui prétendent la guider ne le font que d'après leurs intérêts personnels. En prenant ouvertement le pouvoir, Marie-Antoinette en assume les terribles responsabilités et augmente la somme de haine qui s'amasse contre elle. Quand il faut accorder au désespoir de la nation entière la disgrâce de Brienne, Marie-Antoinette montre cette fois encore l'imprudente générosité de son cœur. Elle donne de hautes marques de son estime au ministre qu'a justement fait tomber l'indignation publique. Autrefois, elle a été tour à tour favorable et hostile à Necker. Maintenant, c'est elle qui le prie d'accepter le pouvoir. À ce moment, elle semble disposée aux réformes que le roi peut accorder sans abaisser la dignité royale. Nous la voyons accueillir le projet d'une double représentation du tiers-État. Plus tard, lorsque la crise révolutionnaire aura éclaté, la reine semblera accepter le concours de Mirabeau. Elle écoutera avec sympathie les conseils de Barnave, et elle paraîtra croire que l'essai loyal de la Constitution est la suprême ressource de la monarchie. Mais ne nous y méprenons pas. La reine alors n'est plus libre, elle est obligée de cacher sa véritable pensée. Ce n'est qu'en frémissant qu'elle supporte le joug et avec le secret espoir de le voir briser. Combien sa fière et loyale nature souffre de cette dissimulation que lui impose la nécessité, toujours l'implacable nécessité. Avec quelle confusion elle est obligée de démentir, par un billet chiffré, la lettre que Barnave lui a fait écrire à Léopold II, pour lui proposer de reconnaître la Constitution. La liberté, elle la veut, mais dans une sage mesure, mais telle que le roi a toujours désiré la donner, non telle que l'a imposée, sous de hideuses conditions, une populace qui se dit le peuple. La reine dit qu'il faut bien épier le moment où la France semblera disposée à recevoir de son roi cette liberté. Même après de sanglantes journées révolutionnaires, elle croit que le peuple n'est qu'égaré, et qu'en lui témoignant de la confiance, on le ramènera. Vaine illusion. Deux solutions étaient désormais en présence. Devant l'intrépide courage de Marie-Antoinette, Mirabeau, frappé d'admiration, avait dit « Le roi n'a qu'un homme, c'est sa femme. Il n'y a de sûreté pour elle que dans le rétablissement de l'autorité royale. J'aime à croire qu'elle ne voudrait pas de la vie sans sa couronne, mais ce dont je suis bien sûr, c'est qu'elle ne conservera pas sa vie si elle ne conserve pas sa couronne. Le moment viendra, et bientôt, où il lui faudra essayer ce que peuvent une femme et un enfant à cheval. C'est pour elle une méthode de famille. » Cette fière attitude était bien celle qui convenait à la digne fille de Marie-Thérèse. Mais ce que Mirabeau proposait, c'était l'appel à une guerre civile devenue d'ailleurs inévitable. La reine de France recula devant l'horreur d'une lutte fratricide. C'est alors qu'elle tenta ce qu'on lui a si amèrement reproché, l'appel à l'intervention étrangère. Lorsque la famille royale se préparait à fuir, la reine avait écrit à l'empereur Léopold, son frère, « Nous devons aller à Montbédy, monsieur de Bouille s'est chargé des munitions et des troupes à faire arriver en ce lieu. Mais il désire vivement que vous ordonniez un corps de troupes de 8 à 10 000 hommes à Luxembourg, disponible à notre réclamation. Bien entendu, ce ne sera que quand nous serons en sûreté. Pour entrer ici, tant pour servir d'exemple à nos troupes que pour les contenir. » L'entrée de troupes étrangères en France pendant que la famille royale y était exposée, celle-ci aux terribles représailles de la Révolution. C'est pourquoi la reine ne voulait pas que cette éventualité se produisît, avant que son mari et ses enfants fussent à l'abri. C'est pourquoi aussi elle blâmait énergiquement le parti de l'émigration. C'est pourquoi, encore, après son retour de Varennes, elle ne demandait plus, comme Barnave, que ce congrès armé qui permit aux hommes modérés, aux partisans de l'ordre, aux propriétaires de relever la tête et de se rallier contre l'anarchie autour du trône et des lois, dit M. Taine en démontrant que ce ne fut pas la royauté, mais l'Assemblée législative qui appela sur la France la coalition des rois. Une fois la guerre déclarée par l'Assemblée, la reine, il est vrai, seconda activement l'intervention étrangère. Et je ne voudrais pouvoir effacer de sa vie ce billet chiffré par lequel elle fit connaître à l'ambassadeur d'Autriche la marche des armées françaises. Mais comment oserait-on lui faire un crime de ce qui ne fut qu'un aveuglement trop légitime, hélas ? Marie-Antoinette est femme, elle est épousée mère, elle est chrétienne, elle est fille des empereurs d'Allemagne et femme du roi de France. Et dans toutes ces situations, elle est cruellement atteinte. Femme, elle subit d'indignes outrages. Elle ne peut paraître à sa fenêtre sans risquer de recevoir d'immondes injures. Dans la fuite de Varennes, Elle est surveillée même pendant la nuit, et il faut que sa chambre à coucher reste ouverte pour que, de la pièce précédente, l'officier de garde puisse observer ce qui se passe chez elle. Odieuse inquisition, qui révolte toutes les délicatesses de sa pudeur. Épouse, elle voit abaisser son mari, elle voit couler les larmes que lui arrache cette humiliation. Mère, elle tremble pour la vie du roi, pour la vie de ses enfants. Pour la sienne, peu lui importerait. Chrétienne, elle voit persécuter l'Église. Fille des Césars, elle sent ruisseler dans ses veines un sang que l'outrage fait bouillonner et qui la rend impatiente du frein. Reine, elle sait que la vraie France n'est pas avec la Révolution sanglante. Elle a entendu en pleurant ces voix qui sont montées jusqu'à ses fenêtres. « Ayez du courage, madame, les bons Français souffrent pour vous et avec vous. » Et elle a voulu sauver la partie saine de la nation. N'oublions pas non plus que c'était de son frère que Marie-Antoinette attendait le secours, qui, suivant elle, devait sauver la famille et la France. Et redisons avec M. Cuvillier-Fleury, le patriotisme l'accusait, la démagogie l'a condamné, l'humanité l'absout. Et d'ailleurs, même dans cette guerre où ses vœux semblaient être avec l'étranger, comme son cœur restait français. Oui, dit Mme Campan, non seulement Marie-Antoinette aimait la France, mais peu de femmes eurent plus qu'elle ce sentiment de fierté que doit inspirer la valeur des Français. J'aurais pu en recueillir un grand nombre de preuves. Je puis du moins citer deux traits qui peignent le plus noble enthousiasme national. La reine me racontait qu'à l'époque du couronnement de l'empereur François II, ce prince, en faisant admirer la belle tenue de ses troupes à un officier général français, alors émigré, lui dit « Voilà de quoi bien battre vos sans culottes. « C'est ce qu'il faudra voir, sire, » lui répondit à l'instant l'officier. La reine ajouta, « Je ne sais pas le nom de ce brave Français, mais je m'en informerai. Le roi ne doit pas l'ignorer. » En lisant les papiers publics, peu de jours avant le 10 août, elle y vit citer le courage d'un jeune homme qui était mort en défendant le drapeau qu'il portait et en criant « Vive la nation !»« Ah, le brave enfant !» dit la reine. « Quel bonheur pour nous si de pareils hommes eussent toujours crié « Vive le roi !» Ainsi que ce déchirement dans ce noble cœur, quand on l'accusait de ne pas aimer la France. Deux fois, dit Madame Campan, je l'ai vue prête à sortir de son appartement des Tuileries, pour se rendre dans les jardins, et parler à cette foule immense, qui ne cessait de s'y rassembler, pour l'outrager. « Oui, s'écriait-elle en marchant à pas précipités dans sa chambre, je leur dirai. Français, on a eu la cruauté de vous persuader que je n'aimais pas la France, moi, mère d'un dauphin qui doit régner sur ce beau pays, moi que la Providence a placé sur le trône le plus puissant de l'Europe. » Ne suis-je pas de toutes les filles de Marie-Thérèse, celle que le sort a le plus favorisée? Et ne devais-je pas sentir tous ces avantages? Que trouverais-je à Vienne? Des tombeaux? Que perdrais-je en France? Tout ce qui peut flatter la gloire et la sensibilité. La crainte de soulever une émeute arrêtait de tels élans, qui témoignent que si la reine se trompait dans ses vues politiques, c'était du moins de bonne foi qu'elle errait. Le malheur de Marie-Antoinette, comme celui de bien des femmes qui ont exercé le pouvoir, est de s'être trop laissé gouverner par ses impressions et de n'avoir pas suffisamment distingué de l'intérêt de l'État l'intérêt de sa famille. L'instinct du cœur trompe souvent dans les matières politiques qui exigent une profonde connaissance des hommes et des choses. Mais du moins cet instinct ne déçut jamais la reine quand il la porta à ses actes de courage moral, dont la femme est peut-être plus capable que l'homme aux heures de suprême péril. Par sa fière attitude devant l'émeute sanglante et menaçante, la reine arrache des cris d'admiration à ses insulteurs même. Voyons-la à Versailles dans les journées d'octobre 1789. Dès le 5, une horde de femmes a été le sinistre avant-coureur de l'armée parisienne. Ce qu'elles sont venues demander, ces femmes, ce sont les boyaux de la reine, pour en faire des cocardes. Comme de hideuses sorcières, elles veulent les foies de la reine pour les fricasser. Marie-Antoinette n'a pas peur. J'ai appris de ma mère à ne pas craindre la mort. « Et je l'attendrai avec fermeté, » dit-elle. L'émeute est venue chercher la reine jusque dans son palais. Marie-Antoinette a dû se jeter hors de son lit pour échapper au couteau des assassins. La reine, c'est elle que dans la journée du 6, le peuple demande au balcon du palais. Elle s'y montre, protégée par ses deux enfants. « Point d'enfant !» crie la foule. Alors repoussant ses enfants, la fille des Césars, la reine, s'avance. Elle croise ses mains sur sa poitrine et attend le martyr. Et les voix délirantes qui demandaient sa mort s'unissent dans ce cri enthousiaste « Vive la reine !» Elle aurait voulu faire passer dans l'âme de tous ceux qui l'entouraient la fière énergie qui la soutenait. Devant les défaillances des uns, le mauvais vouloir des autres, elle écrivait en 1791 Je vous assure qu'il faut bien plus de courage à supporter mon état que si on se trouvait au milieu d'un combat. Mon Dieu, est-il possible que, né avec du caractère, et sentant si bien le sang qui coule dans mes veines, je sois destiné à passer mes jours dans un tel siècle et avec de tels hommes? Mais ne croyez pas, pour cela, que mon courage m'abandonne. Non, pour moi, pour mon enfant, je me soutiendrai, et je remplirai jusqu'au bout ma longue et pénible carrière. Je ne vois plus ce que j'écris. Adieu. Ce superbe courage n'aura jamais de défaillance. Marie-Antoinette ne quittera jamais auprès de son mari, auprès de ses enfants, le poste du danger. Mourir avec eux ou pour eux, c'est là désormais son vœu. Le 20 juin la verra impassible sous les infâmes outrages et les épouvantables menaces de ces hordes qui, défilant devant elle, lui présentent des verges, une guillotine, une potence. Elle arrache des larmes à la mégère qui lui a jeté à la face d'horribles imprécations et qu'elle subjugue par l'incomparable majesté de sa douce et maternelle parole. Par la généreuse confiance qu'elle témoigne aux gardes nationaux, elle les émeut, et l'un d'eux lui saisit la main et y appuie ses lèvres avec respect. Peu s'en fallut que la multitude n'applaudît. Au 10 août, même intrépidité. C'est la reine qui, foudroyant Pétion sous son regard, le contraint de signer l'ordre de combattre par la force l'émeute qu'il a contribué à préparer. C'est elle qui fait passer au roi la revue des troupes, et s'il avait eu le secret de ces paroles qui changent le cœur d'une multitude, peut-être la royauté et la France étaient-elles sauvées. Maintenant tout est fini. La reine qui, plutôt que de quitter les Tuileries, voulait se faire clouer au mur du palais, la reine était contrainte de suivre son mari au Feuillant. Louis XVI est suspendu de ses fonctions royales. Sa famille est prisonnière. « Nous sommes perdus, dit-elle. Nous voilà arrivés où l'on nous a menés depuis 3 ans, par tous les outrages possibles. Nous succomberons dans cette horrible révolution. Bien d'autres périront avec nous. Tout le monde a contribué à notre perte. Les novateurs comme des fous, d'autres comme des ambitieux pour servir leur fortune. Car le plus forcené des Jacobins voulait de l'or et des places, et la foule attend le pillage. Il n'y a pas un patriote dans toute cette infâme horde. Le parti des émigrés avait ses brigues et ses projets. Les étrangers voulaient profiter des dissensions de la France. Tout le monde a sa part dans nos malheurs. Et comme le dauphin entrait avec sa sœur, « Pauvres enfants, dit la reine, qu'il est cruel de ne pas leur transmettre un si bel héritage et dire « Il finit avec nous ». La vie de la reine est terminée. Dans la prison du temple, Marie-Antoinette n'a plus que la majesté du malheur. Mais l'épouse a toujours son tendre dévouement. La mère exerce toujours cette mission dont elle a constamment pratiqué les grands devoirs. Ici, elle n'appartient plus à l'histoire. Elle ne paraîtra plus dans la vie publique que pour monter aux dernières stations de son chemin de croix. Alors elle aura enduré tout ce qu'une créature humaine peut supporter de douleur. Du jour où la tête de son amie, la princesse de Lamballe, lui a été présentée au bout d'une pique, jusqu'à cette déchirante soirée où le roi s'est arraché de ses bras à la veille de monter sur l'échafaud, il semblait que la coupe d'amertume eût été vidée par elle jusqu'au fond. Non, il y avait encore une lie que pouvait seule y déposer la main criminelle d'un démon. Il fallait que la reine, cette grande mère, c'est ainsi que la nomme monsieur de Lescure, s'entendit publiquement accusée d'avoir corrompu l'innocence de son fils. Il fallait que l'on eût arraché à ce pauvre enfant, après l'avoir abruti, l'accusation qui faisait jaillir du cœur de la reine ce mot sublime. Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à une pareille question faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. Remuées jusqu'au fond des entrailles, les mégères elles-mêmes frémissaient. Sous la poignante étreinte de toutes les tortures physiques et de tous les supplices du cœur, Marie-Antoinette garde l'amour de ce pays où elle les souffre. Elle fait des vœux pour le bonheur de la France, fût-ce au détriment du bonheur de son fils. Elle n'a pour ses bourreaux que des paroles de miséricorde. Et dans l'admirable lettre qu'elle écrit à Madame Élisabeth, avant de monter sur l'échafaud, elle exhorte son fils à ne pas venger sa mort. C'est bien la femme magnanime qui avait dit au lendemain du 6 octobre « J'ai tout vu, tout su, tout oublié ». Lorsque, au milieu d'une foule vociférante qui ne sait même pas respecter la majesté de la mort, la reine gravit les degrés de l'échafaud avec la même dignité souveraine qu'elle montait naguère les marches du trône. Elle a depuis longtemps secoué la poussière des luttes politiques. Il n'y a plus en elle qu'une martyre qui atteint enfin le sommet du calvaire. « Il était nécessaire qu'un homme mourût pour le salut de tous », avait écrit Marie-Antoinette sur l'immortel plaidoyer que M. de Sèze avait fait pour le roi. À elle aussi pouvait s'appliquer cette parole, à elle et à toutes les grandes victimes qui surent avec elle faire à Dieu le sacrifice de leur vie. Si aux yeux de la miséricorde divine, la France de 1793 put être rachetée, c'est par tout le sang innocent qui, répandu alors, criait non pas vengeance contre les bourreaux, mais miséricorde pour eux. Les femmes eurent leur large part dans cette rédemption nationale. Et en même temps qu'elles expiaient par leur martyre le crime des uns, la lâcheté des autres, que de sublimes exemples de dévouement et de courage elles donnaient à leur époque. C'est Madame Élisabeth, demeurant volontairement au poste du péril, pour mourir avec sa famille. Madame Élisabeth, ne voulant pas qu'on détrompe les assassins, qui la prennent pour la reine, et à l'heure du supplice, ne connaissant d'autre crainte que celle que lui dicte une céleste chasteté, ce sont ses filles, ses épouses, bravant le trépas pour sauver un père, une mère, un mari, prenant la place d'un être aimé, ou mourant avec lui. C'est Mademoiselle de Sombreuil, acceptant pour sauver la vie de son père, le verre de sang qu'on lui présente. Monsieur de Pontmartin, qui a connu l'héroïne, croit qu'au moment où Mademoiselle de Sombreuil allait boire le verre de sang, les bourreaux, saisis d'un mouvement d'horreur ou de pitié, le répandirent à ses pieds. C'est Mademoiselle Cazotte, fléchissant les septembriseurs en faveur de son père, mais ne réussissant qu'une fois à l'arracher à la mort. C'est la princesse de Lamballe, accourant de l'étranger pour partager le péril de la reine et lâchement assassinée. C'est cette humble femme de chambre répondant à l'appel du nom de sa maîtresse pour être jetée dans la Loire. C'est Madame Bouquet, recueillant 5 proscrits, partageant avec eux sa ration pendant un mois de famine et montant avec eux sur l'échafaud. Ce sont ces chrétiennes qui, au prix de leur vie, abritent notre Seigneur dans le prêtre proscrit. Ce sont ces carmélites de Compiègne, allant au supplice en chantant le Veni Creator et le Te Deum, se disputant la première place sous le couperet de la guillotine, tandis que leur supérieur veut mourir la dernière pour soutenir le courage de ses filles. Rendons hommage encore à Madame de Staël, dont la plume éloquente défend Marie-Antoinette, à Madame Tallien, qui soustrait des victimes à la hache de bourreau. Enfin, à ces 1500 à 1600 femmes qui présentent à la Convention une pétition pour demander la grâce des prisonniers. Admirons encore dans leur patriotisme ces femmes et ces filles d'artistes qui, devant la pénurie du trésor, offrent à l'Assemblée constituante leurs bijoux pour contribuer à payer la dette publique. Ces femmes de Lille qui aident à repousser l'envahisseur. Cette mère spartiate qui, à Saint-Mithier, entourée de ses enfants, s'assoit dans sa boutique sur un baril de poudre et un pistolet à chaque main, menace de faire sauter sa demeure si l'ennemi y pénètre. 16 émules de Jeanne Hachette, ces engagés volontaires qui se battent auprès d'un père, d'un frère, d'un mari, ces héroïques enfants de l'Alsace, Mademoiselle Ferning, âgée l'une de 13 ans, l'autre de 16, et qui, voyant leur père courir sus aux Autrichiens, se jettent dans la mêlée, combattent à Valmy, à Nervinde, à Gemappe, sous Dumouriez, qui, pour se servir de l'ascendant magnétique qu'elles exercent sur leurs compatriotes, leur a donné des commissions d'officiers d'état-major, et qui les voit attacher leur nom à des fêtes de guerre dignes d'illustrer de vieux guerriers. C'est dans ces généreux élans de courage, de dévouement et de patriotisme que nous aimons à suivre les femmes. Mais faut-il étudier leur rôle politique dans les annales révolutionnaires? Nous y trouverons une nouvelle preuve des illusions et de l'impressionnabilité qu'elles apportent dans les affaires publiques.